corto. Vous écoutez La Croche Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir sur les ondes sonores de CKRL, la radio qui aime le son et les artistes qui en font leur passion, leur raison de vivre pour certains. Difficile d'y échapper, ça fait une dizaine de mois maintenant que les bombes pleuvent sur le territoire ukrainien et que la population résiste tant bien que mal à l'invasion russe du 25 février dernier. La crise ukrainienne a donné lieu à de grands élans de solidarité sur le plan international en matière d'accueil, d'hébergement et de besoins alimentaires notamment. Et tout au long de l'année, de nombreux groupes culturels ont initié des levées de fonds. Et les artistes du monde sonore ont aussi grandement contribué aux initiatives de générosité. Alors, je vous propose ce soir l'écoute de créations sonores tirées d'albums dédiés à la solidarité ukrainienne. Et je débute le premier segment avec des extraits d'un album intitulé « For Ukraine », pour l'Ukraine, projet supporté par la plateforme Headphone Commute. C'est une plateforme qui a pour pignon sur rue à New York et dont les bénéfices de cette cueillette sont reversés à des organisations humanitaires pour soutenir les enfants et les familles déplacées. Alors, d'entrée de jeu, on écoute Ian Hogwood et le duo Drum and Lace. Thank you. deux très belles pièces tirées de l'album For Ukraine, pour l'Ukraine. Une première pièce, Diane Hoggood. Seconde pièce qu'on vient d'entendre, du duo Drum and Lace. Le label Flaming Pines, qui a pignon sur rue, celui-là, au Royaume-Uni, qui est piloté par Kate Carr, a eu la très belle idée de soutenir le projet du commissaire Igor Yavilek, intitulé Kaléidoscope, projet qui constitue aux yeux de Yavilek une composition brève et surtout pas complète de musique expérimentale faite par des artistes sonores qui vivent et travaillent en Ukraine aujourd'hui. Son objectif principal est de faire connaître et d'attirer davantage l'attention sur la création sonore et musicale ukrainienne, lesquelles se sont activement développées ces dernières années, malgré les difficultés économiques et les guerres dans le pays qui durent tout de même depuis quelques années. Alors, je vous propose qu'on écoute cette fois les créations sonores des artistes Enali et Mova. Tout ça tiré de l'album intitulé Liberty sur l'étiquette Flaming Pine. Thank you. très belle pièce de l'artiste Enali, une pièce intitulée « Mille fleurs » tirée de l'album « Liberty », un album qui fait partie du projet plus vaste « Kaléidoscope ». On poursuit avec un autre titre tiré de cet album de l'artiste Mova, ça s'intitule cette pièce « Rioma ». Thank you. Alors, ce projet intitulé Kaléidoscope, initié par le commissaire Igor Yavilek, a également été diffusé par la plateforme Gamarda Fungus, un label, une plateforme qui s'active depuis Dnipro en Ukraine. Alors, on retrouve le label sur la plateforme Bandcamp pour les curieux, les curieuses. Comme le souligne Yavilek, l'une des principales qualités de la scène ukrainienne contemporaine de musique et d'expérimentation sonore est la cohésion artistique et ses relations amicales qui relient les artistes entre eux. Et ce, malgré que le pays soit très grand, très vaste. Kaléidoscope cherche à présenter le plus large éventail possible de créateurs, créatrices, du professionnel aux plus jeunes interprètes. Alors, on écoute cette fois les créations de deux artistes, un jeune, un artiste de la relève, et un artiste plus aguerri, Kayak dans le premier cas, et Kadaïcha, artiste de belle réputation. On écoute ça. Thank you. voilà, ça complète la première demi. On fait une courte pause et je vous fais entendre cette pièce de Kadaicha que j'avais prévue, mais on va y aller après la pause. Alors, on écoute ça et puis je reviens. CKRL. C. K. R. L. 89. 1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h. Alors, j'enchaîne immédiatement avec ce titre que je vous promettais, tiré de l'album Kaléidoscope, une compilation d'œuvres sonores et d'expérimentation musicale réalisée par des artistes ukrainiens, tout ça au profit des familles et des personnes déplacées au cours des derniers mois en raison du conflit là-bas. Alors, on écoute cette œuvre intitulée Salt de Kaïcha. Thank you. Takeicha, une pièce intitulée Salt, tirée de cet album Kaleidoscope. Comme je le soulignais en début d'émission, de nombreux groupes artistiques ont initié des activités de levée de fonds dans le but de venir en aide aux populations ukrainiennes, celles déplacées, puis toutes ces autres aux prises avec les turpitudes de la guerre. Je vous propose ce soir l'écoute de compilations sonores qui sont consacrées justement à la solidarité ukrainienne. Et parmi ceux-ci, le label Giraffe Tapes de Tbilissi, en Géorgie, par exemple, a produit un magnifique album en solidarité avec les Ukrainiens. L'album s'intitule « Pour mon Ukraine »,« For my Ukraine ». Il s'agit de la première compilation du jeune label géorgien qui est orienté sur de l'expérimentation artistique. Le label est animé par l'idée de raconter des histoires sonores à partir de photographies, de sérigraphies ou encore de manifestations artistiques dans ce genre d'œuvres visuelles. Alors, je vous propose qu'on écoute cette fois les artistes Slow Clinic et Gallery 6. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de créatrices et de créateurs sonores, actifs et très engagés à venir en aide à la population ukrainienne. Je vous rappelle que tous les fonds recueillis par ces labels sont remis à des organisations humanitaires comme l'UNICEF, là, pour prendre un exemple. Et on retrouve plusieurs de ces labels sur la plateforme Bandcamp pour les intéressés. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir ainsi que la source là, sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions produites jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Alors voilà, pour terminer, on va écouter ensemble un extrait d'une création de Alla Zagajkiewicz, une pièce intitulée Voice, Alla Zagajkiewicz, qui est actuellement en résidence au Québec au sein de l'organisme Le Vivier à Montréal, un organisme qui regroupe les créateurs sonores, musiciens, expérimentateurs. Et Alla fait partie cet automne, puis au début de l'hiver, de nombreuses prestations organisées par Le Vivier. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Alors voilà, au microphone ce soir, Gaëtan Gosselin qui vous salue.